要。哎，高明，嗯，我都说杀不你，嗯，我都说杀不你，明星蟑螂一群呢，tu veux pas chiner, tu finis piétiner, à la street abonné. Dis-moi qu'est-ce qu'il connaît, quand il s'agit de porter ses couilles, ça parle en japonais, rien ne sert de charbonner. Pour zéro bénéfice, évite de parler, tu risques de faire traîner les pistes, on fait que salomer. Entre amour et maléfice, les couilles sont héréditaires, trafiquant de père en fils, c'est la folie, ouais. Cannabis, cocaïne et mauvais d'elle. On tourne en rond tous les soirs pour ton mec et mes idèles. Montre pas tes sentiments, frérot, si t'es amoureux d'elle. Tu pleures, tu penses à elle, pendant qu'elle est au Novotel, ça joue les gros. Les pecs remplis de protéines, les clients aiment la C, coupé à la codéine. Que des schlags, sur la tarjeta, ça met des lignes. Que ça sniffe, dans leur narine, c'est mes délines. La rue est pleine de vices, tu connais la devise, c'est le game. Ah. Une fois que t'as percé, ça veut tchouper, c'est salopant du toupé, c'est le game. Ah. Ça se fait des coups de traître, normal, c'est le game. Ah. Plus de fierté, plus d'honneur, pour ton tout pour le buzz, c'est le game. Ah. La rue est pleine de vices, tu connais la devise, c'est le game. Ah. Une fois que t'as percé, ça veut tchouper, c'est salopant du toupé, c'est le game. Ah. Ça se fait des coups de traître, normal, c'est le game. Ah. De fierté, plus d'honneur, quand on sait tout pour le buzz, c'est le game. Ah. Trop faim à couler sur la chaussée, à cause du plat, t'as beaucoup trop d'amitié faussée. 2020, tout le monde est caboussé, le calibre va tousser, pour toi je vais t'éclabousser. Responsabilité difficile à endosser, de toute façon, un jour ou l'autre tout se sait. Les gens s'en battent les couilles, mais une fois que t'as percé, ça revient en rampant, qu'on mille vers le désossé. T'es plein de sous-entendus, qu'est-ce que t'insinues? 24 sur 24, ça charbonne en continu. De pire en pire, les saloperies pour que ça s'atténue. Ça rap, c'est que ça retenu, force à tous les détenus. Marqué par la vie, trop de visage amoché. Elle a touché tout le quartier, toi tu l'as galoché. Y'a plus de sentiments quand ils font empocher. Que ça fait parler la poudre, les balles font des ricochets. Il faut te secouer, personne te fera la passe D. Chacun pour soi, pour toi, ça fait les choses en loose D. Toujours le même, on tient la route comme les gros XD. J'arrive en quadriturbo comme le 750D, j'suis ganté. D'autres ont bu par la Lewandowski. Ça prend de la CC, les narines font du ski. Pas un Sareski, y'a les bleus Savetski. Balance, tu vas finir assis sur la foule de ski. La rue est pleine de vices, tu connais la devise, c'est le game. Ah. Une fois que t'as percé, ça veut tchouper, c'est salopant du toupé, c'est le game. Ah. Ça se fait des coups de traître, normal, c'est le game. Ah. Plus de fierté, plus d'honneur, pour ton set pour le buzz, c'est le game. Ah. La rue est pleine de vices, tu connais la devise, c'est le game. Ah. Une fois que t'as percé, ça veut tchouper, c'est salopant du toupé, c'est le game. Ah. Ça se fait des coups de traître, normal, c'est le game. Ah. Plus de fierté, plus d'honneur, quand on sait tout pour le buzz, c'est le game. Ah.